silence ou tu verras, ça peut t'aider. N'as-tu pas envie, n'as-tu pas envie, viens essayer. Tu verras comme d'autres que l'on peut vraiment changer. Ne t'as pas cette vie à mentir, elle va coller. Si tu cherches encore, tu vas te casser le nez. De chez Canon, que l'on appelle la terre battue. Ça commence à venir là tout d'un coup. Hein. Casanova, plus de terre battue, plus de gazon vert. On t'a mis au rancard, on t'a mis au vert. Et bien évidemment, sur la terre d'Afrique, doucement la musique, doucement. Et bien évidemment, en Afrique, nous avons la terre battue. Mais chez nous, en Europe, la canon de chez Canon, Bon, pas toujours plantureuse, parce que nous, on les veut maigres. Attention, hein. Mais quand même, belle de chez belle. Je sais pas, une auvergnate, je sais pas, une nana du Jura. Eh ben, celle-là, on va l'appeler gazon vert. Ah, forcément, hein. On s'applaudit, hein, forcément. Donc, les nanas de chez nous, c'est les gazons verts. Et les nanas de là-bas, c'est les terres battues. Mais forcément, parce que les terres d'Afrique, c'est la terre rouge, voyez. Mais quand, par exemple, vous allez en Angleterre, vous voyez du vert. C'est vrai, il y a du vert. Donc, du coup, gazon vert. Voyez. Du coup, le texte, attention, hein. C'est plus le tennisman qui a perdu, vous voyez. C'est fini tout ça, hein. Hein, on est bien d'accord, hein. On fait le refrain, les filles. Et... Casanova, plus de terre battue, plus de gazon vert, non. Casanova, on t'a mis au rancard, oui, on t'a mis au vert, oh. Casanova, un plus de terre battue, plus de gazon vert, non. Casanova, on t'a mis au rancard, oui, on t'a mis au vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, les nanas, on a ouvert les yeux. Aïe, fini les embrouilles. Fini, tu tapes ici, tu voles là, tu papillonnes ici. Et puis, tu as un portable, deux portables, trois portables. Hein? Le coup des portables, vous voyez. Non, mais c'est au cas où, hein, vous ne seriez pas au courant, les filles. C'est le moment ou jamais de... Hein? Et puis alors chez nous maintenant c'est fini, hein. Il n'y a pas que du gazon vert, hein. Maintenant c'est gazon vert, terre battue, gazon vert. Fini la discrimination raciale, hein. C'est bon signe. Ça prouve qu'on partage, hein. Vraiment. Vive les métis. Non mais je suis pas, mais on sait jamais. Hein. Donc du coup le refrain il fait. Tiens, si c'est bien clair pour tout le monde, hein. Alors, hein, et. Casanova, Casanova. Un peu de tabac, tu es plus de gazon vert, non, non. Casanova, Casanova. On t'a mis au rancard, oui, on t'a mis au vert, oh. Casanova, Casanova. Un peu de tabac, tu es plus de gazon vert, non, non, non. Casanova, Casanova. On t'a mis au rancard, oui, on t'a mis au vert. Il y a la suite du texte, hein. Attention, hein. De tous les paris, tu n'as rien fait à demi. De tous les paris, tu nous as fait la landie. T'es battu gazon vert, tu nous as fait les masters. Fort est de constater que tu es un imposteur. Mais ipso facto, tiens, ça se complique. On t'a péré, t'es un classique. Qu'a perdu le roi de pique. Tu perds, tu casses, rien ne passe, un père impasse. Où sont tous tes tours de passe-passe, oh. Qui de nous deux, qui veut qui part à la chasse. Comme si toi t'as perdu ta place. Disons que je le dis, je te connaissais pas autant, Paul. Je dirais que tu te fais désirer, que tu traînes en longueur. Que t'as pas très envie, sur toi tu es tout en sueur. Laisse, on voit bien que tu n'es plus dans le contrôle, hey. Un Casanova, Casanova. Un peu de tabac, tu es plus de gazon vert, non, non, non. Casanova, Casanova. On t'a mis au rancard, oui, on t'a mis au vert, oh. Casanova, Casanova. Un peu de tabac, tu es plus de gazon vert, non, non, non, non, non. Casanova, Casanova. On t'a mis au rancard. Casanova. le clavier. Casanova, Casanova, Merci beaucoup. Jay, au clavier, s'il vous plaît. Hommage. Un grand clavier parmi nous. Hervé Le Bongo, clavier, au saxophone, s'il vous plaît. Juliette, au chant. Merci. Coralie, au chant. Merci. Eric, à la batterie. Guillaume, à la basse. Alex, à la guitare.